accordéon parade. 1916 émissions d'accordéon parade ce dimanche. Et la semaine prochaine, je rentrerai dans ma 36e année d'accordéon parade. C'est Michel qui vous propose cette émission. Et accordéon parade, c'est un plateau d'accordéonistes, le bonjour de l'accordéon, tous les dimanches de 9h à 10h. Accordéon parade, c'est une émission pour les mordus du dépliant, émission 100% musette. Amis du musette, amoureux du piano bretel, bonjour. Pour commencer cette émission, et bien on va commencer avec une rumba. Alors du rythme petit, rumba musette, et c'est un sympathique jeune homme qui joue de l'accordéon il y a bien longtemps, c'est André Marc qui nous interprète rumba musette. Thank you. maison d'un brouillard. Ce patron est dur à l'ouvrage, mais c'est un heureux papa, car il possède en partage une triangle du jour. Facile avec ses grands yeux doux, c'est comme un couperie de nous. C'est la rondelle du bon bouillard, café, bois, charron. Son bas de lait se remplira, café, bois, charron. Mais la fille aux yeux doux, je suis amoureux de tout, et si son cœur voulait bien. Avec ses marques de il reste à pour nous. Un jour, ma cordiste à main. Et quel bonheur de chauffer son cœur. Tout en ayant trouvé le bon filon. Café, bois, charbon. Que tout nous transmet. C'est l'histoire de la terre où tu es né. C'est le pain gagné, le fruit du travail. Une famille unie dans la maison. Un pays qu'on aime, le prix des batailles. Qu'on payait très cher des générations. Blanche, ta robe était savoureuse comme autrefois. Allez, grand-mère, mets les mains sur tes hanches. Viens danser la bourrée, la mazurka. Toi qui connais tous les secrets, ce soir viens nous parler des travaux, des champs et de tes jeunes années. Car il ne faut pas oublier ce que tu nous transmets. C'est l'histoire de la terre où tu es né. Ce soir, mamie chante, nous les bruyères. Les pastourelles et les mâles de printemps. Ce soir, mamie chante, nous comme hier, ces chansons sorties de la nuit des temps. Et oui, oui, c'était Pierre-André qui vient de nous interpréter « Allez, grand-mère ». Et aujourd'hui, c'est la fête des grand-mères. Alors, bonne fête à toutes les grand-mères qui écoutent les 91 et 91 MHz de sur GFM. Merci à Sébastien Perrin qui vient nous présenter le maestro de Séville. Les vaches sont rentrées, les poules sont couchées, les cochons font des rêves dorés. Les œufs sont mirés, le lait est tiré, et v'là encore un jour de passé. Puisque maintenant, rien ne nous préoccupe, oh la Marie, enlève ton tablier, pousse dans la table et fais marcher le pick-up. Et tous les deux, on va danser le tango du paysan. 1, 2, 3, 4. C'est la bonne musique de la terre. 1, 2, 3, 4. On la danse un coup en arrière. 1, 2, 3, 4. Et puis un autre coup en avant. 3, 4. Moi j'ai ça dans le sang, ce rythme obsédant me poursuit même quand je suis au champ. Pour m'encourager à bien labourer, je chante et les bœufs se mettent à danser. V'là qui s'élance avec des involtures, à droite à gauche, la charrue suit les bœufs, et les sillons auraient plutôt l'allure de virage en épingle à cheveux, le tango du paysan. 1, 2, 3, 4. C'est la bonne musique de la terre. 1, 2, 3, 4. On la danse un coup en arrière. 1, 2, 3, 4. Et puis un autre coup en avant. 3, 4. Au dernier couplet, l'effet est complet. La Maria tombe dans mes filets, dans mes bras trapus. Je la sens vaincue, je la conduis aussi ferme qu'une charrue. Tout enivrée du parfum de la patronne, subtil mélange d'oignons et de foin coupé. Je suis sur au rythme où bat mon corazon. C'est dans la grange qu'on va se le terminer, le tango du paysan. C'est le grand appel de la nature. 1, 2, 3, 4. Où l'on sent que l'agriculture. 1, 2, 3, 4. Ne manque pas de bras caressants. 1, 2, 3, 4. Le tango du paysan. 1, 2, 3, 4. Ensorcelé par son mystère. 1, 2, 3, 4. Il m'a aidé à devenir père. 1, 2, 3, 4. C'est comme ça que j'ai fait mes enfants. 5, 6, 7, 8, 9. Oh, 10, ça suffit comme ça. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Sur les 91 MHz, tout en compagnie de Michel qui vous propose, qui vous présente Accordéon Parade. Émission 100% musette, émission pour les mordus du dépliant, pour les amoureux de l'accordéon. C'est tous les dimanches entre 9h et 10h. Je sais, ça va faire râler quelques-uns, parce que je vais dire, ça fait 916 fois que je suis avec vous. Mais tant pis pour les râleurs. Thank you. Et on va continuer l'accordéon parade avec des passe-dobles. Et c'est Karen Neuville qui se trouve à Lons-Saulnier, un petit village à côté de Lons-Saulnier, qui va nous interpréter une série de passe-dobles. Thank you. Merci à Tony Meller qui vient de nous interpréter une merveilleuse valse. André, ah, et maintenant, c'est Angela, Angela Ray, sympathique accordoniste, jeune fille qui nous vient d'Italie et qui va nous interpréter un morceau de sa composition. Thank you. Vous êtes en compagnie de Michel qui vous propose, qui vous présente Accordéon Parade. Je pense que vous passez un agréable moment en compagnie de mes accordéonistes. Ah, l'accordéon, que c'est beau pour danser, pour s'amuser. Et je parie que le dimanche matin, vous dansez, vous vous amusez comme des petits fous. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver Accordéon Parade sur Internet, sur Sorgia FM Podcast, et votre émission Accordéon Parade, la seule émission 100% musette sur la bande FM. Quel tonnerre de musette le dimanche matin sur les 91 MHz de Sorgia FM. We'll be right back.

Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Voilà, Accordéon Parade se termine. Vous me retrouverez la semaine prochaine avec nos amis accordéonistes pour la 35e, c'est-à-dire je vais attaquer la 36e année d'Accordéon Parade. Pour la 1917e émission. Sur ce, auditrice, auditeur de Sorgia FM, merci de vos nombreux coups de téléphone ce dimanche matin. Je pense que ça marche maintenant. Et puis ma voix, eh bien, à bientôt sur les 91, 91 MHz de Sorgia FM. Bye bye! Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Mademoiselle, monsieur, bonjour. Michel en compagnie ce dimanche pour une heure de détente, une heure de bonne humeur. Et merci de vos félicitations, de vos coups de fil. Merci même aux auditrices, aux auditeurs hier qui étaient à l'Assemblée Générale de Sorgia FM. Je vous remercie tous. Vous êtes des amours, des mamours, comme on dit. Merci à Paul, à Marie-Claire. À Yvette, pour l'oublier, la sympathique Yvette. et tous les amis de Sorgia FM qui étaient dans la salle ce samedi, pour l'Assemblée Générale, pour la 35e Assemblée Générale de Sorgia FM. Ce dimanche, eh bien, on va vous dire bonjour. Eh bien, salut! Salut, c'est encore moi. Salut, comment tu vas? Le temps m'a paru très long. Loin de la maison, j'ai pensé à toi. J'ai un peu trop navigué et je me sens fatigué. Fais-moi un bon café, j'ai une histoire à te raconter. Il était une fois quelqu'un, quelqu'un que tu connais bien. Il est parti très loin, il s'est perdu, il est revenu. Salut, c'est encore moi. Salut, comment tu vas? Le temps m'a paru très long. Loin de la maison, j'ai pensé à toi. Baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba. Tu sais, j'ai beaucoup changé. Je m'étais fait des idées sur toi, sur moi, sur nous. Des idées folles, mais j'étais fou. Tu n'as plus rien à me dire. Je ne suis qu'un souvenir. Peut-être pas trop mauvais. Jamais plus je ne te dirai. Salut, c'est encore moi. Salut, comment tu vas? Le temps m'a paru très long, loin de la maison, j'ai pensé à toi. Baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba. En ce temps, la grand-maman portait des robes à rubans, des grands chapeaux et des gants blancs. Et pour aller à l'école, tablier noir avec colle, la tour Eiffel avait 10 ans. Raconte-moi, comment c'était, comment c'était au temps des fiacres, au temps des fiacres et des tramways, et des tramways. Est-ce que c'était, est-ce que c'était comme on l'a dit, comme on l'a dit, les jours heureux, la belle époque, le temps béni. Raconte-moi, les vieux phonos, les vieux phonos, ceux qui chantaient, ceux qui chantaient, pavillon haut, pavillon haut. Tu as les yeux tout attendris. Est-ce que c'était mieux qu'aujourd'hui? En ce temps-là, grand-papa jouait déjà aux soldats. Plus tard aussi, il y joua. Et sous la lampe à pétrole, il apprenait à l'école toutes les frontières de ce temps-là. Raconte-moi, raconte-moi comment c'était au temps des fiacres. Plus amusant, raconte-moi, les as-tu vu, ceux qui chantaient au coin des rues, les trains marchaient à vapeur, dis-moi c'est vrai qu'ils faisaient peur. Raconte-moi les samedis soirs. Brillant sous les phonons, tournait en rond, en répétant les mêmes chansons. Raconte-moi, le temps jadis, est-ce que c'était mieux qu'aujourd'hui? Marchant frais et dispo, ne faiblissant pas, marquons bien le pas. Et dans la plaine et les bois, chantons à pleine voix les airs joyeux d'autrefois. Sur les hauteurs du Val de Rue, Zimlaïdou, Zimlaïla se trouve un site très connu. Zimlaïdou, Laïla, les échos d'alentour retentissent gaiement, la nuit même parfois le jour de ses refrains charmants. Ohé, ohé, ohé, ohé, ohé. En avant par mons et beaux, marchant frais et dispo, ne faiblissant pas, marquons bien le pas. Et dans la plaine et les bois, chantons à pleine voix les airs joyeux d'autrefois. Tio lo lo lo lo ou tou di tou du lo et tou. Tou du lo et tou lo ou tou tou du lo et tou. Lo lo lo lo lo ou tou di tou du lo et tou. Tou du lo et tou lo ou tou tou lo lo lo et tou. Un grand merci à Annette et Christian de Châtillon-Méjaille par leur coup de téléphone ce dimanche matin. Ça m'a bien fait plaisir et je suis bien content que vous pouvez écouter sur GFM. Alors pour vous deux, eh bien, on va vous faire écouter un air de rumba. C'est André Marc et son accordéon. Thank you.

de soleil et de vent, perdu au milieu des étangs. On vivra bien content, mon cheval, ma Camargue et moi. Mon cheval, ma Camargue et moi. Merci à Georges Brassens qui vient de nous interpréter « Heureux comme Ulysse ». Et bien maintenant, on m'a demandé hier Maria Callas, grande dame de l'opéra, Maria Callas. On n'entend pas souvent. Et bien, on va l'écouter dans « La Bohème ». Et puis, c'est un enregistrement qui date de 1956, je crois. Et Maria Callas a eu le jour en 1923 à New York, et c'est à l'âge de 53 ans qu'elle nous a quittés à Paris. Alors on va écouter pour deux auditeurs bien sympathiques qui sont d'Arlo, je ne me rappelle plus le prénom, on va écouter Maria Callas qui va nous chanter un merveilleux air d'opéra. Thank you. Eh bien, grand, grand bravo à cette grande chanteuse et merci à monsieur et madame Tonin d'avoir pensé à demander un morceau de la Calasse. Merci à vous deux et bonne journée. Allez, maintenant, on va écouter à l'accordéon suisse, Étoile des Neiges. Et je dédicace ce morceau à madame Magnin. Alors, madame Magnin, pour vous toute seule, accordéon suisse, Étoile des Neiges. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Il faudrait être des dieux, il faudrait être fort, comme si mouiller des yeux, c'est pour ceux qui ont tort. Il faudrait danser et cacher sa douleur, être le dernier à pleurer, jamais montrer sa peur. Il faudrait être des rois, il faudrait faire le fier, comme si baisser les bras, c'est pour celui qui perd. Il faudrait cogner, et puis bomber la torse, être le premier à crier plus fort. Mais que Dieu me pardonne, j'ai tout fait à l'instinct, moi je ne suis qu'un homme, peut-être un bon à rien. Mais que Dieu me pardonne, j'ai le cœur sur la main, si parfois j'abandonne, c'est pour faire mieux demain. Il faudrait être un génie, être une onde à la joie, à chaque fois qu'on nous dit, et toi comment tu vas? Il faudrait pousser tous ceux autour de soi, être le premier à crier, regardez-moi. Mais que Dieu me pardonne, j'ai tout fait à l'instinct, moi je ne suis qu'un homme, peut-être un bon à rien. Mais que Dieu me pardonne, si parfois j'abandonne, c'est pour faire mieux demain. être un bon à rien. Mais que Dieu me pardonne, j'ai le cœur sur la main. Si parfois j'abandonne, c'est pour faire mieux demain. Mais que Dieu me pardonne, j'ai tout fait à l'instinct. Moi je ne suis qu'un homme, peut-être un bon à rien. Mais que Dieu me pardonne, j'ai le cœur sur la main. Si parfois j'abandonne, c'est pour faire mieux demain. Entraînante, souple, rapide, où l'on tourne sans bruit. Silencieux, ils ont là cela en belle, mêlant la côte avec le cotillon. Léger, léger, ils partent avec elle, dans un gai tourbillon. C'est la valse brune des chevaliers de la lune, que la lumière importune. Cherche un coin noir, c'est la valse brune des chevaliers de la lune, chacun avec sa chacune, la danse le soir. Ils ne sont pas tendres pour leur épouse, et quand il faut, savent les corriger. Un seul soupçon de leur âme jalouse, et le rôdeur est prêt à se venger. Tandis qu'il fait à Bertou, à Léone, un madrigal envers de sa façon. Un brave agent de son talent sonore souligne la chanson. C'est la valse brune des chevaliers de la lune, que la lumière infortune et qui recherche ta coin noir. C'est la valse brune des chevaliers de la lune, chacun avec sa chacune, la danse le soir. Quand le rôdeur dans la nuit part en chasse, et qu'à la gorge il saisit un passant, les bons amis, pour que tout bruit s'efface, non loin de lui chantent en s'enlaçant. Tandis qu'il pille un logis magnifique, où d'un combat il sait sortir vainqueur. Les bons bourgeois, grisés par la musique, murmurent tous en chœur. C'est la valse brune des chevaliers de la lune, que la lumière est fortune et qui recherche ta coin noir. C'est la valse brune des chevaliers de la lune, chacun avec sa chacune, la danse le soir. Merci à Mademoiselle Georgette Plana qui vient de nous interpréter un vieux succès, la valse brune, avec notre amie Aimable. Une cancoyote bien tartinée sur un bout de pain, ça fait du bien. Ça colloque note un petit canon. Pour rincer tout, ça fait du bien. Un morceau de comté bien affiné, accompagné d'un bout de morbier. Venez vite découvrir toutes nos spécialités dans notre magnifique région, la Franche-Comté. Thank you. cloche qui résonne. Et dans le Jura, admirez-la sur les coteaux, la vigne est bonne. Qu'elle soit de Morteau ou de Montbéliard, notre saucisson ne s'en lasse pas. Montagne, forêt, verger, rivière, on a tout ça dans notre magnifique paysage franc-comtois. Merci à Yannick Catin, nous étions en Franche-Comté avec le Tango Franche-Comtois. Yannick Catin nous vient d'à côté de Vesoul, charmant petit village. Eh bien, on continue notre musique, notre sympathique musique avec le Merle du Faubourg et c'est Claude Chevalier à l'accordéon. Maintenant, nous allons faire une petite valse pour Pierrot et Marie qui poussent de temps en temps la table pour valser à l'hôpital. À l'hôpital, le petit village qui est à côté d'Anglefort, hein, c'est pas l'hôpital. Non, c'est le petit village qui se trouve à côté d'Anglefort. Alors, pour Pierrot et Marie, pour deux sympathiques auditeurs de Sorge FM, eh bien, on va écouter une petite valse musette. We'll be right back. Eh bien, nous venons d'écouter les accordéonistes jurassiens, toujours aussi sympathiques et aussi entraînants. Et je vous rappelle que la semaine prochaine, je rentrerai dans la 36e année d'accordéon. On va continuer encore une dédicace au dernier coup de téléphone que j'ai reçu qui nous vient du plateau de la Samine, plutôt d'Éloise. Eh bien, pour ce sympathique auditeur, encore un petit coup d'accordéon. le final, on a le cœur joyeux et les yeux pleins d'étoiles. C'est fou comme... Et c'est au son de l'accordéon de Jérôme Robert qu'on va qu'on va se séparer ce dimanche. Maintenant, dans un refrain... Merci de vos nombreux coups de téléphone. Ces printemps éclatants qui arrêtent le temps et qui nous font chanter. Merci. Et oui, un grand merci à vous toutes et à vous tous. L'amour et la joie dans le cœur. Merci, merci. C'est toujours un instant de bonheur. On se reverra dans un jour. Et oui, on se reverra la semaine prochaine. Qu'importe. Pour commencer, pour finir les 35 ans d'accordéon. C'est qu'on s'aime vraiment. C'est grâce à vous. Et commencer les 36 ans. On vivra longtemps. On vous dit merci. À bientôt, très bientôt, sûrement. Merci, merci, merci. Toujours un instant de bonheur. On se